Une centaine d'artistes en tout genre a formé ce beau siècle que les Italiens appellent le Seicento. En fait, il s'agit du Cinquecento. Plusieurs de ces grands hommes ont été malheureux et persécutés. La postérité les venge. Leur siècle, comme tous les autres, produisit des crimes et des calamités. Mais il a sur les autres siècles la supériorité que ces rares génies lui ont donnée. C'est ce qui arriva dans l'âge qui produisit les Sophocles et les Démosthènes, dans celui qui fit naître les Cicérons et les Virgiles. Ces hommes, qui sont les précepteurs de tous les temps, n'ont pas empêché qu'Alexandre n'ait tué Clitus et qu'Auguste n'ait signé les proscriptions. Racine, Corneille et La Fontaine n'ont certainement pu empêcher que Louis XIV n'ait commis de très grandes fautes. Les crimes et les malheurs ont été de tous les temps. Il n'y a que 4 siècles pour les beaux-arts. Il faut être fou pour dire que ces arts ont nui aux mœurs. Ils sont nés malgré la méchanceté des hommes et ils ont adouci jusqu'aux mœurs des tyrans.